Autant on emporte le The Event, chapitre 1. Moment se questionne. À la fin de la journée, tous les streamers étaient épuisés. AlphaCast venait de faire 12 heures de Beat Saber, et il était complètement trempé de sueur. Le regard de Moment se posa sur le corps glabre de son ami streamer, et ne put détacher son regard, jusqu'à croiser les yeux de ce dernier. Il détourna son regard un peu honteux, en se demandant pourquoi il ne l'avait pas fait avant. Zerator prit son mégaphone de merde et annonça « Fin de journée ! Tout le monde coupe son stream, en plus j'ai une grande annonce à vous faire !» Moment se sentit soulagé, car ça lui permit de penser à autre chose qu'à ce qu'il venait de penser avant. Après avoir coupé leurs streams respectifs, ils se retrouvèrent autour du Montpellierin à la voix suave. C'est Zerator. De quoi tu voulais nous parler? J'étais deck de couper mon stream, j'étais en train de faire un top 1 sur PUBG. Rire. Ouais, c'est clair. Moi j'ai même pas eu le temps de finir mon dessin. Soupir. Moi j'ai eu ma dose de Beat Saber pour la journée. J'ai d'ailleurs vu que Moment aimait beaucoup me voir suer toute la journée. Mais n'importe quoi, c'est juste le hasard ça. J'étais trop occupé à gueuler China number one sur Sea of Thieves. Alors tu sais, hein, t'es parti de Beat Saber. Rougissant de gêne. Moment ne ratait pourtant aucun stream d'AlphaCast sur Beat Saber, généralement en navigation privée. Mais il était encore trop tôt pour l'admettre, et même pour se l'admettre à lui-même. Calmos les amis, déclara Zerator pour reprendre les mots d'Antoine Griezmann lors de sa blackface. Nous avons reçu une invitation. Une invitation? C'est Patrick Balkany qui nous invite à un dîner à la mairie de Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine. Patrick Balkany? Patrick Balkany? Voilà encore une recherche que Moment faisait souvent en navigation privée. Ça commençait à faire beaucoup de coïncidences. Il nous a... tous invités? Alors ils veulent surtout voir Squeezie, la star de YouTube, Jius, MV, Nio, Joueur du Grenier, Magla, Trinity, Sardoche, AlphaCast, moi et toi, Moment. Oh! Ne pouvant réprimer sa surprise et sa joie, son visage rougissant tel une tomate sous le soleil de la Provence française. Bien qu'apolitique, Moment avait toujours ressenti une espèce de fascination pour Patrick Balkany, le célèbre maire de Levallois-Perret et roi des roublards. Fascination qui pouvait parfois même tourner à l'obsession, sa chambre étant recouverte à 80% de posters de Patrick Balkany, ainsi que quelques photos d'Edouard Balladur. Et un fanart de Cyril Ferraud, le présentateur sympathique de Slam sur la chaîne du service public France 3. Mais ça, c'était une autre histoire. Allez, pas de temps à perdre, en route! Même pas le temps de prendre une douche? Ah non, Patoche, je veux vous voir maintenant! Moment se mit en route, heureux que son ami, maintes fois Grandmaster sur Overwatch, n'ait pas eu le temps de prendre une douche.